Vous avez suivi ça hier, évidemment. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qu'on a constaté au-delà de l'attentat, au-delà du défunt? Et fort heureusement qu'il y a juste un terroriste. Là, on s'est levé ce matin pensant qu'il y en avait effectivement... On était encore sous l'impression qu'il y en avait quatre ou cinq. Une seule personne. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le constat qu'on doit faire. Ben, moi, je pense que le Canada, qui avait été plus ou moins épargné auparavant, est pleinement entré dans la guerre mondiale en cours, opposant les cohortes islamistes de toute catégorie à l'Occident et à ses valeurs. C'est dans ce cadre-là qu'il faut, je pense, examiner ce qui s'est passé et regarder et essayer de comprendre. Là, si vous permettez, puis je m'excuse de vous interrompre, mais c'est très important ce qui se passe à Ottawa. Il y a le sergent d'armes qui fait l'objet d'une ovation debout en plein Parlement. Mm-hmm. Et par la suite, c'est une adresse à la nation de Stephen Harper. Est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble? On va l'écouter peut-être un petit peu, si vous permettez. D'accord? C'est important. On va aller écouter ça quelques instants. Vickers, visiblement, on est très reconnaissant à son endroit. Les applaudissements durent longtemps, oui. Des députés, parce que j'ai discuté avec quelques personnes ce matin. Je suis monté sur la colline en compagnie de Jason Kenney, par exemple. C'est quand même très impressionnant. On va vous décrire la scène, Monsieur Brassard, et pour tous les auditeurs. Tous les députés sont debout pour applaudir ce héros, parce qu'au bout du compte, c'est un héros, mais il a fallu qu'il aille chercher son gun dans sa commode. Les gardiens sont pas armés, M. Brassard. Il y a un problème, là. Il faut le corriger, là. Ben, en fait, c'est pas vraiment un gardien, c'est le sergent d'armes. Ben oui, c'est du cérémonial. Je savais pas, d'ailleurs, qu'il avait... J'ai appris ça, qu'il avait... Un fusil. Armé, qu'il détenait une arme à feu. Celui du Québec, j'en suis convaincu, c'est pas le cas. Ben, va falloir corriger ça, après ma barre. Au-delà d'avoir une réflexion plus large, là, la sécurité au Parlement, il y a un problème, là. Ben, on est d'accord? Ça paraît évident qu'il va falloir resserrer les règles de sécurité. Ça saute aux yeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit changer pour mener cette guerre-là à domicile? À l'extérieur, bon, le Parlement a pris des décisions. Les avions sont envoyés au Koweït. On verra pour la suite si on intervient au sol. Mais pour mener cette guerre-là à domicile, parce que c'en est une guerre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut faire la même chose que pour mener une guerre à l'extérieur. Quand on mène guerre, la première chose à faire, la condition essentielle, fondamentale et première, c'est de bien reconnaître son ennemi. Et c'est ça, on a pas mal de difficultés à le faire. Quand j'écoute les commentaires... Et le recours systématique qu'on fait aux psychiatres, aux psychologues, pour essayer de comprendre les gestes et les actes de ces individus, de ces terroristes. On fait fausse route, carrément. Ben oui, je pense qu'on fait fausse route parce qu'on essaie d'expliquer ça par la psychologie, par la psychiatrie. C'est pourtant très simple. S'ils ont posé ces gestes meurtriers, c'est parce qu'ils se sont convertis à l'islam. Voilà. Au départ, peut-être que ce sont des têtes brûlées qui ont pris du pot, puis de la drogue, puis du PCP, comme le Pouilleux d'hier, mais... Oui, mais c'est ça, l'islam, là, au bout du compte, qui les a fait dérailler. S'il était resté comme il l'était, à faire des petits trafics de drogue, puis des petits vols, il n'aurait pas fait ça. Pourquoi a-t-il agi ainsi? C'est parce qu'il s'est converti à l'islam. C'est ça. L'ennemi... est issu de l'islam. On peut bien constamment répéter que l'islam est une religion d'amour et de tolérance. Je lisais tout cela encore ce matin dans les journaux. Mais il n'en reste pas moins que tous ces terroristes sont issus de l'islam. Ils recrutent pas chez les mormons. Ils recrutent pas chez les Amish. Ni chez les bouddhistes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les combattre? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Qu'est-ce qu'on fait pour les écraser? Ben voilà, là, ça devient évidemment complexe. Par exemple, on apprend qu'ils étaient sous surveillance. On apprend qu'il y en a plus de 80 qui sont sous surveillance. il me semble que on devrait ne pas seulement les surveiller, mais évidemment on va invoquer la Charte des droits, mais les Américains les auraient mis sous les verrous. Mais on a des dispositions, puis c'est le cas de, c'est l'opinion de Gilles Duceppe. On a déjà des dispositions dans le code criminel en ce qui a trait, par exemple, à la propagande haineuse. Mais qu'on s'en serve, je vois le vert. Propagande haineuse, ça veut pas oui, juste dire néo-nazi, là. Qu'on cesse d'être observateur et qu'on agisse. Ça, c'est au moins un premier pas, là. En plus, évidemment, de resserrer les règles de sécurité au sein des parlements. Quand on apprend qu'ils sont tellement dangereux qu'on leur enlève leur passeport pour ne pas qu'ils se retrouvent en Syrie ou en Irak, ben, ça veut dire qu'ils sont vraiment dangereux et décidés d'agir. Ben oui, on leur empêche d'aller faire des saloperies en Syrie. Bon, ben faites des saloperies ici, bon. Ici, ils font leur saloperie ici. C'est ça. Il y a quoi qui marche pas? Il y a des milliers. On n'est pas un cas unique, là. En France, il y a des centaines et des centaines de citoyens français convertis ou qui étaient déjà musulmans qui se retrouvent en Syrie ou en Irak au sein des organisations djihadistes. Des Britanniques aussi. Celui qui a décapité, là, un citoyen américain, c'est un citoyen britannique. Il y avait même un accent... il parlait anglais avec un accent britannique. Est-ce qu'on devrait faire un ménage dans les mosquées aussi, comme le fait l'Angleterre? Est-ce que l'Angleterre ne devrait pas être un modèle, pour nous, je dis pas un modèle d'intégration, puis un modèle de société, mais quand vient le temps d'appliquer la loi, à un moment donné, ils se sont donnés du muscle et ils ont arrêté les imams puis les oui. barbus qui disséminaient la haine. Ça aussi, c'est une mesure qu'il faudrait prendre, parce que la mosquée qu'il y a sur la rive sud, là, que fréquentait... Saint-Jean. Oui, Saint-Jean. Elle est régulièrement fréquentée par un imam qui prêche la charia. Le djihad. Ben oui. Et ça se fait depuis des semaines et c'est régulier. Il vient là puis il prêche le djihad. On est des tatas. Ce imam-là, en passant, vient à l'Université Laval régulièrement. J'avais posé la question l'année passée, quand j'ai sorti ça dans Morel Live. J'avais posé la question. Université Laval, qu'est-ce que vous faites là? En disant, c'est un endroit où il faut respecter la multiplicité des points de vue. La maudite bullshit. La liberté de parole et le, voilà. Tout le tralala. Et ça, c'est une incompréhension des chartes. À mon avis, des chartes des droits et libertés. Quand quelqu'un tient un pareil discours publiquement dans une mosquée, je pense qu'il faut à tout le moins l'expulser du pays. C'est ça m'apparaît évident. Mais il y a des trous, là. L'envoyer où? T'sais, l'expulser, mais où? T'sais, je veux dire, en Corée du Nord, là, où? T'sais, la personne, souvent, est née ici, comme les deux barbichettes d'hier. On n'a pas de Guantanamo, Je ne souhaite pas nécessairement en avoir, mais non. Mais Obama, c'est là qu'on voit qu'Obama a fait preuve d'angélisme en promettant de s'aborder Guantanamo. Aux dernières nouvelles, aujourd'hui, c'est encore ouvert, là, Guantanamo. Il n'a pas pu respecter sa promesse. Non, exact. Est-ce que c'est pas la mort d'une forme d'angélisme hier, ce qui s'est passé? Est-ce qu'on devrait pas éradiquer une fois pour toutes cette espèce d'angélisme ou pseudo-angélisme canadien? On est fin, on est gentil, on va les intégrer, on va les aimer. Puis à force d'amour, à un moment donné, ben, ils vont devenir fins, puis coudonc, ils vont nous aimer. Oui, ça, je pense qu'il faut l'éradiquer. Et acquérir une lucidité sans faille, là. Ça m'apparaît évident. Dans le quotidien de ce matin, oui, ils vont interviewer un spécialiste soi-disant des mouvements radicaux. Il s'appelle M. Samir Amghar. Il est à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui. Il dit des choses vraiment aberrante. Ah oui, comme quoi? Allez-y rapidement, puis on va terminer là-dessus. Les actes sont réalisés contre l'impérialisme occidental. Oh non. Non, il dit ça, puis c'est quelqu'un de l'Université de Chicoutimi. Les militaires en sont les représentants par excellence. Le Canada est un allié indéfectible d'Israël et des États-Unis. Ce positionnement explique que le Canada soit visé. Ah non. Donc, dans le fond, il dit qu'on le mérite. Ben voilà, c'est parce que on a pris parti, puis que on est devenu allié de d'autres pays occidentaux. On le courait après. On est visé. Alors il y a une forme de culpabilité. Il faudrait redevenir sage et prudent et neutre comme on l'a peut-être été auparavant. Une espèce de fausse Suisse. Mais à un moment donné là, il va falloir se salir les mains là et agir. Moi, c'est la conclusion que je fais de tout ce qui s'est passé, c'est que si on est touché ainsi, c'est pas en essayant de se cantonner dans une fausse neutralité et en reniant nos alliances avec d'autres pays, puis en fermant les yeux sur ce qui se passe dans le monde, c'est pas ainsi que on va régler un problème de cette nature-là. Merci beaucoup, M. Brassard. Au plaisir. Au revoir. Jacques Brassard. Et vous êtes...